du lard ou du cochon. Puisque gagner notre pain à la sueur de notre front n'est pas à notre portée, nous allons tenter d'accommoder au mieux les épinards qu'on nous donne. Honnêtement, mon front suait nettement moins quand je gagnais mon pain que quand j'ai dû nourrir ma famille correctement avec celui qu'on m'octroyait. Mais bon, le défi est intéressant, les poussées d'adrénaline aussi, histoire de ne pas s'endormir dans le persil. Mes connaissances en calcul mental font un sacré bond en avant pendant cette période d'adaptation montagnarde, où je développe également un certain penchant opportuniste. Je n'ai pas mon pareil pour détecter la bonne occasion. Pour repérer les jours où mon magasin de prédilection offre ses presque dates limites à moitié prix, ou pour écouter d'une oreille baladeuse les vendeuses s'informer mutuellement des promotions à venir. Je fis ventre de tout bout de gras. J'aurais été heureuse dans les souks à marchander tant et plus. Quoi? 10 piastres pour ce poisson séché? Mais tu veux ma mort? Tu veux que j'approstitue ma fille? Que j'envoie mon fils au bagne? Et cette blague écossaise qui me faisait tant rire. Papa, papa, j'ai économisé 1 livre ce matin. Ah bon, comment? Eh ben, j'avais 3 minutes de retard et j'ai raté mon bus. Alors j'ai couru derrière jusqu'à la maison. Imbécile, rétorque le père. Si tu avais couru derrière un taxi, c'est 5 livres que tu aurais économisé. En fond sonore, j'entends ma mère, paix à son âme, susurrer. Vous avez été nourri à la noix de veau et au filet de bœuf, ton frère et toi. Sous-entendu, essaye de faire mieux. De fait, j'ai une constitution de fer. Quoi de plus naturel que d'avoir envie d'offrir la même chose à mes petits? Mais ici, le bœuf coûte au minimum 70 francs suisses le kilo. 70 euros contre le quart en 1976. En manger régulièrement, même pas en rêve. Il va falloir trouver autre chose. C'est une fois de plus dans les livres, le dictionnaire de diététique et de nutrition du docteur Pierre Duquin, que nous apprenons que le lapin, le poulet et le porc, tout comme les sauterelles et les vers de terre, sont bourrés de protéines très intéressantes. Parfois, un paysan du coin fait boucherie et nous propose généreusement de lui acheter un beau morceau de foie de veau, voire un poulet, pour assurer le rôle de la dinde de Noël. Hélas, l'année suivante, il nous voit venir, et de loin, et ses prix triplent. Tant pis, nous retournerons au supermarché. Une fois par semaine, je descends en ville seule, avec caddie et sac à dos. Je choisis le jour supposé des bons plans. J'apprécie ces moments calmes où je peux tricoter en toute liberté pendant le trajet en train, sans craindre de planter une aiguille dans l'un ou l'autre de mes descendants, ni de recevoir un coup de pied sur le devant du tibia, là où c'est si sensible. 1h30 de train aller-retour dans un paysage sublime suivi de 3 heures de badinage dans des grandes surfaces à la musique anesthésiante seront mes seuls instants de solitude pendant des années. Rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui encore je ressente un certain bien-être quand je franchis la porte de ces magasins. Mais ce n'est pas tout ça. Me voilà qui dresse l'oreille, sort la truffe et hume le bon air carné. Il arrive que je rentre bredouille de ma quête, mais c'est rare. Il y a toujours une aubaine quelque part pour qui sait l'avoir. C'est en adaptant les aliments que je déniche en les recyclant, en les transformant, que j'arrive à élaborer de bons petits plats inhabituels, voire exotiques, comme le coulibiac, par exemple. Quel bonheur de rentrer le caddie bourré jusqu'à la gueule et d'étaler triomphalement les produits de ma chasse sur le comptoir de la cuisine. Je commence par dresser un inventaire de toutes nos richesses, ensuite de quoi je conditionne tout très très vite sous diverses formes et divers contenants et lieux, cave ou congélateur. Complices et joueurs, Jean-Paul et moi vivons souvent des expériences ludiques, comme la confection de cet immense pâté en croûte cuisiné pour les 70 ans de Paul, mon beau-père, avec des cailles découvertes au coup de bol. Je nous revois tous deux, à 3 heures du matin, penchés sur le monument pour y rajouter de la gelée de viande, clarifiée au blanc d'œuf en neige, qui s'évanouit dans un puits sans fond. Il nous a fallu en refaire encore et encore, sans jamais savoir quand ça sera assez. Quel suspense insoutenable! Quelle fatigue! Un matin d'été, le papa de notre amie Véronique, nous propose de la viande hachée, très bon, pas cher. Bien sûr, nous acceptons avec reconnaissance ce nouveau cadeau de la vie. Plus trivialement, nous en faisons des gratins, des farcis, du chili con carne. Et pour finir, osons la fabrication de saucissons secs. Nous accolons un entonnoir à notre hachoir pour remplir du boyau de porc que nous avons lavé et fait dégorger toute une nuit. Nous obtenons plusieurs saucisses que nous attachons aux deux extrémités. Nous les mettons à sécher, suspendues à des crochets vissés dans le plafond en bois de la chambre. Nous sommes très fiers de nos prouesses charcutières. Jusqu'au jour où des amis du village passent nous voir et admirent nos merveilles d'un œil narquois. Ah ? Et vous n'avez pas peur que des mouches viennent pondre dedans en plein mois de juillet ? Effectivement, la charcuterie est un métier. Nous résolvons le problème à l'aide d'une moustiquaire et d'un ventilateur contrôlés par une minuterie électrique. Nous aurons au final de très beaux saucissons, immangeables. Car pour les assaisonner, je me suis servi d'une eau-de-vie trop typée qui domine tous les goûts. Quelques membres de notre grande famille, particulièrement aimants et tolérants, acceptent de partager le résultat de l'expérience. Puis nous font gentiment remarquer que nous sommes peut-être plus doués pour la peinture ou l'écriture. À Noël, j'ai la lumineuse idée d'offrir du foie gras maison, un lobe égale trois petits bocaux, à quelques amis et à la famille. Dans un grand magasin de la capitale vaudoise, nous investissons un bras et une jambe dans deux foies crues dodues. Convaincu que ça vaut la peine de faire soi-même, je sélectionne dans mes livres de cuisine la recette de Pierre Perret, spécialiste de la question. Or, ignorant du fait que le point d'ébullition de l'eau en altitude n'atteint jamais les 100 degrés, j'ai cuit mes foies trop longtemps. Ils ont fondu de moitié. Quelle déception. Tout récemment, on m'a donné une recette inratable qui consiste à cuire le foie gras dans un excellent vin blanc au réfrigérateur. Un jour, je l'aurai, ma revanche. Dans mes paquets de Noël, en plus du foie gras et des biscuits, j'ai prévu du plum pudding, ce délice anglais qui, à portée flambant sur la table, reflète si bien toute la chaleur de la fête. J'ai gardé de mes séjours à Londres le goût pour cette coutume permettant d'offrir de l'exotisme à bon compte en échange d'un peu, ouais, beaucoup de travail. Ça, je sais faire. Des pruneaux, des raisins, de la farine, des œufs, du brandy et de la graisse de rognon de bœuf. En ce qui concerne cette dernière, mon petit lutin perfectionniste me suggère d'essayer de trouver le vrai produit pour une fois. Quelques prospections téléphoniques plus tard, rendez-vous est pris avec le boucher du village voisin. Je descends avec Charlotte, âgée alors de 3 ans. Nous attendons depuis un bon moment au bistrot du coin quand ce monsieur arrive. Il est immense, patibulaire, impressionnant et taiseux. D'un hochement de tête, il nous fait signe de le suivre et nous balade à travers tout un labyrinthe compliqué de ruelles, venelles et petits ponts jusqu'à un immense hangar situé au beau milieu de nulle part et fermé par un énorme cadenas. Après l'avoir ouvert et nous avoir précipités à l'intérieur, crainte des mouches sans doute, l'homme referme bruyamment la lourde porte derrière nous. Je sursaute. Je me demande si on nous entendrait crier. Je bride mon imagination à grand-peine et serre très fort la main de Charlotte. On dit que les prédateurs ne s'attaquent pas aux mères ni à leurs bébés. J'espère qu'on a raison. Je ne demande qu'à vérifier. Pour le moment, je me sens un peu décalée dans la peau du petit chaperon rouge. Droit devant, la demi-pièce de bœuf nous toise de toute sa taille. Dans cet amas de chair, je finis par repérer les reins qui sont effectivement entourés d'une belle graisse blanche. Le boucher, en me frôlant, s'empare d'un gros couteau sur un présentoir derrière moi. Je m'écarte et découpe adroitement le suif autour des rognons de l'animal. Puis, content de son petit effet, m'emballe tout ça dans un vulgaire sac en plastique et me réclame 3 francs. Nous repartons avec notre butin le plus vite possible, abandonnant le bœuf à son triste sort, n'ayant aucun désir de le partager et essayant de ne pas nous perdre. La prochaine fois, c'est sûr, je demanderai à Jeannot de nous accompagner. À quelque temps de là, nous revoyons notre ami boucher, le papa de Véronique, qui nous explique qu'il lui arrive parfois de tomber sur un animal accidenté qu'il ne peut pas vendre aux gens du métier. C'est justement le cas. Est-ce que ça nous dirait d'en profiter ? Oh oui, bien sûr que oui, quelle aubaine ! Je frétille d'impatience, partagée entre la joie et l'inquiétude que l'affaire tombe à l'eau pour je ne sais quelle raison. Je passe des heures à imaginer tout ce que je vais faire avec ce trésor. J'en salive d'avance. Quelques jours plus tard, nous arrive un petit cochon auquel il ne manque que la poitrine, que le boucher a fait fumer pour nous. Quand il nous l'apportera, elle aura bizarrement doublé de taille. 40 kilos de viande pour 160 francs, voilà qui ramène le filet mignon à 4 francs du kilo, 10 fois moins cher que le prix courant actuel. Les enfants ont intérêt à s'habituer. Il y aura de fortes chances pour que j'évoque cette anecdote dans tous les repas de famille jusqu'à la fin de mes jours. Un miracle de plus.